Vous écoutez Une fille, un podcast, et c'est un tête-à-tête avec Irslo. Salut Irslo. Bonsoir Karine, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi, ça va? Écoute, enchanté d'être en ta compagnie. Je te remercie pour l'invitation. Eh bien, merci de l'avoir accepté. Moi, j'aime bien avoir des gens avec des accents chantants qui viennent discuter avec moi, donc je suis très contente de t'avoir là avec moi. D'accord, juste pour l'accent, d'accord. Ouais, c'est ça. Je peux te faire une cassette, sinon... Non, ça va, merci. Non, pardon, on n'est plus à l'époque de la cassette. Non, bon, si t'es là, en fait, c'est parce que j'aimerais savoir un petit peu, comme je fais à chaque fois, en fait, ce que t'écoutes comme podcast et voilà, tes préférences et tout ça. D'accord. Parce que je suis super curieuse et Si t'es sage, d'accord, ok. Non, mais oui, je suis d'accord, on va parler podcast. J'ai même déjà lancé mon application de podcast, je te rassure. Alors du coup, voilà, ça y est, on lance le truc. Est-ce que tu as envie de m'expliquer comment tu es venu à faire du podcast? Ben, si tu veux. Alors moi, je suis rentré dans le podcast par le côté très classique, par la catch-up radio, plutôt. Avec tout ce qui était là-bas, si j'y suis, de Daniel Mermet, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, j'adore. Bon. Ben, j'adorais, mais enfin, oui. Ça passe toujours ça sur le net, encore sous mais un autre format. C'est plus forcément voilà. C'est plus sur France Inter, mais on le trouve encore sur le net. Ouais. Sur labas.org, ouais. Mais je t'avoue, j'ai pas réécouté depuis qu'il est plus diffusé sur Inter. C'est plus pareil. Ouais. C'est plus pareil, ouais. Et j'aimais bien. Voilà. Donc, je me servais du format podcast pour récupérer les épisodes. Et puis les écouter. Par contre, ce que je trouvais assez pénible à l'époque, c'est que pour les écouter, tu étais obligé d'être sur le PC, tu n'avais pas forcément d'application qui était bien. Il y avait iTunes qui faisait ça, mais quelle usine à gaz. Bref, on ne va pas parler d'iTunes. Et puis, au début, je n'étais pas forcément équipé d'un smartphone, donc pas possible d'écouter le podcast sur téléphone. Et puis ensuite, j'ai pas beaucoup évolué sur le podcast jusqu'à ce que j'en fasse, en fait. Et quand j'ai commencé Lifestyle, alors moi j'ai commencé à l'épisode 4 et j'ai pas fait les trois premiers. Quand j'ai commencé Lifestyle, c'est là où avec Alexandre à l'époque on a pas mal discuté. Oui. Et alors j'ai découvert Plan B. Tu connais Plan B? Tu as écouté l'heure dernière? Faut pas me poser des questions comme ça en fait. Pas encore? Non. Oui, c'est vrai que tu les écoutes pas forcément dans l'ordre. C'est possible. Donc j'ai découvert Plan B grâce à Alexandre. J'ai découvert alors La Peur du Capitaine aussi, un classique. J'ai attaqué en fin de saison 2, j'ai écouté toute la saison 3, le début de la saison 4, et puis après j'ai lâché parce que bon, je trouve ça un petit peu répétitif. Et puis je crois que c'était... Non, il y a eu, comment ça s'appelait ? Scud, je crois, qui était pas mal avec... comment il s'appelle ? Qui a travaillé avec Cédric Bonnet aussi. Je ne pourrais pas t'aider, je te laisse tout seul. Avec Patrick Béja aussi. Jérôme Kenborg, tu vois qui c'est? Non mais arrête de poser des questions comme ça. Pardon. Mais c'est parce que je te vois, tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de t'interroger là-dessus. Ok. Et donc, ça fait partie des premiers podcasts. Non, je suis désolée, je vois pas qui c'est. Mais du coup... Tu regarderas. Ben ouais, je vais faire ça, je crois. Bah, c'était des personnages de chez No Watch. Enfin, Jérôme Kenborg était quelqu'un d'assez important chez No Watch. Puis voilà. Et puis, c'est en découvrant Podcast France que j'ai un peu ouvert mon regard sur les podcasts. Et puis finalement, c'est en t'écoutant toi, dans Une fille, un podcast, où j'en ai découvert beaucoup. Oh, c'est vrai. Si, mais je te promets. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas longtemps alors, du coup. Je t'avoue que non, et j'ai du mal à écouter du podcast parce que je suis un grand amateur de musique, et si j'ai pas mon heure de musique dans la journée, d'accord. Ça me va pas. Et si je peux en avoir deux ou trois, ça m'arrange encore. Donc le podcast va pas être ce que j'écoute en priorité, forcément. Et j'ai pas de voiture avec le Bluetooth, j'ai pas de possibilité de rentrer un câble, donc je suis obligé de passer par un transmetteur FM, c'est chiant. Quand tu fais des grandes distances, t'es obligé de bidouiller ta fréquence d'émission, donc c'est pas alors, pratique. Alors, attends, et donc attends, en voiture, ça m'intéresse. Quoi? Tu bidouilles un truc? Un transmetteur FM. C'est quoi ça? Explique-moi, je connais pas. Un transmetteur FM, c'est un petit appareil que tu branches sur la sortie casque de ton téléphone et qui va émettre des ondes radio que ton autoradio va capter. Ok, c'est bien ça, dis donc. Non, c'est pas bien. C'est bien, sauf que... Alors, ce qui est bien, c'est quand tu es sur une zone limitée, parce que tu sais que tu vas pas changer Ouais, de d'accord. fréquence de radio. Par contre, quand tu fais des grandes distances, les stations changent de fréquence et donc tu peux te retrouver à émettre sur une fréquence qui est déjà utilisée par une radio locale. Et vu que la radio locale va émettre de manière plus puissante que ton transmetteur FM, généralement, t'es obligé, ben, t'entends plus rien, donc t'es obligé de changer la fréquence d'émission. Ah, d'accord, ok. Soit t'as un passager qui collabore et qui veut bien te changer ta fréquence, soit tu fais ça tout seul en conduisant, soit tu t'arrêtes pour changer la fréquence. Ce qui est pas très Ouais, c'est pratique. un peu limite. C'est limite, voilà. Et ça, alors, Voilà. ça marche avec ton smartphone. Ça marche avec ton smartphone, voilà. Ou sinon, tu t'achètes une enceinte connectée qui a de l'autonomie et tu te mets ton enceinte connectée avec ton smartphone dans la voiture. Et là, tu dis adieu à tes passagers. C'est une Oui. possibilité aussi. Tu dis adieu à tes passagers, pourquoi? Ben, pour écouter Ah! tranquillement ton podcast. Mais de toute façon, si tu utilises ton truc à fréquence radio, là, c'est pareil en Et fait. c'est pareil. C'est pareil, oui. Oui. Mais le. Oui. Alors, j'ai une question qui vient Oui. après, mais enfin, moi, Dis-moi. j'ai commencé à écouter dans ma voiture, mais tout simplement avec une clé USB. Mais j'ai pas d'entrée USB sur mon autoradio. J'ai juste des CD, sinon il faut que je grave des CD pour écouter les podcasts. Oui, d'accord. C'est triste, hein? Ben, triste, ouais. Pratiquement, techniquement, c'est triste. Techniquement, c'est triste, ouais. Bah, il faudrait. Je Ben, viens de qu'est-ce que tu changer. fous? Même si moi j'en ai Bah, un, ouais, mais. qu'est-ce que tu fous? J'aurais adoré. Ben ouais, c'est ça moi que je demande à Noël, pas des casseroles. D'accord. Ouais, mais je t'avoue, la voiture, actuellement, je la prends assez peu. Et sinon, c'est les voyages en famille. D'accord, alors dans ce cas, Elle. oui. Est-ce que tu as remarqué ça? Le podcast, c'est quand même quelque chose que tu écoutes un peu tout seul, quoi. C'est très intime. Alors que finalement, une émission de radio, ça te pose pas vraiment de problème de l'écouter n'importe où. Mais. Je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas, peut-être qu'on a une relation plus intime, plus personnelle avec les podcasteurs, parce que soit on se reconnaît un petit peu dans ce qu'ils disent, enfin, je sais pas trop, je suis pas psychologue, mais j'ai remarqué ça effectivement, quand j'écoute du podcast, c'est généralement à la maison, c'est au casque. Et puis, quand on est deux dans la même pièce, j'ai un casque qui est ouvert, donc tu peux entendre ce qui se passe autour, je change de casque, je mets un casque fermé. Ben ouais, pareil. J'écoute pas forcément le casque, mais effectivement, si quelqu'un rentre dans ma voiture, ouais, je change. Ouais, je mets la musique, ouais. Mais je comprends ça, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette attitude-là vis-à-vis du podcast? Est-ce qu'on n'est pas fier d'écouter des podcasts? Pourtant, il y a quand même des super choses qui se font. Mais ouais. Il y a des choses quand même que je laisse, que je coupe pas en public. Il y a un truc qui est très spécial, c'est quand ça commence à avoir un accent bizarre québécois, où là, effectivement, les gens vous regardent d'une façon un petit peu Leur curieuse. dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu passes pour quelqu'un d'étrange, qu'est-ce que t'écoutes? Et puis, t'as aussi le son qui est Mauvais? une personne qui te parle vraiment comme si elle était sur le siège à côté. Alors là, je pense c'est déroutant pour les personnes Oui. qui connaissent pas du tout le podcast. C'est pas un son de radio, tu vois, quoi. Oui. Et du coup, même si c'est très très bon, il y a un côté qui est pas commun, qui fait que généralement la personne qui va écouter ça va l'interpeller et vont et presque déranger. Ouais, t'accroches pas forcément à la première écoute. Enfin voilà quoi. D'accord, ouais. Après, faut commencer à expliquer c'est quoi un podcast. Bon, enfin bref, voilà quoi. Déjà expliquer ce que c'est comme podcast. Déjà qu'on n'est pas tous forcément d'accord Mmh, avec c'est ça. l'explication, alors les gens qui connaissent rien, c'est bon pour les larguer. Ouais, en général, je mets la musique et on n'en parle plus. Voilà, ou tu coupes l'autoradio et puis tu papotes. Mais t'es pas multitâche, toi? Tu peux pas écouter de la musique et toi, non? Oui, bah oui, tu conduis, tu papotes. Oui, tu peux écouter la musique aussi, mais écouter la musique, papoter en même temps, Ah c'est dur oui. d'apprécier la musique que t'écoutes. Donc je sais maintenant comment tu as atterri dans l'écoute de podca du podcast, dans le monde du podcast, ouais. Dans le monde du podcast, oui. Donc c'est le site de Podcast France qui t'a fait un petit peu rentrer dans cet univers-là, quoi. Ben, disons, Ouais, c'est vrai que j'ai découvert tout ce que proposait l'Arnouf hein, à l'époque sur Podcast France. Il y avait quand même pas mal de choix. Ça permettait de temps en temps d'aller découvrir quelque chose de nouveau avec les mises en avant. Et puis toi, je crois que tu es rentré sur Podcast France peu de temps avant qu'il ferme. Alors, j'ai commencé en novembre, ouais, l'année dernière. Et il a fermé quoi, en décembre? Il a dû fermer un peu plus tard, il a dû fermer. Ouais, 2 ou 3 épisodes, pas plus, mais suffisamment. Et cette oreille qui sortait comme ça, en logo. Ouais, je me suis décarcassée, Ah ouais, non, mais n'empêche, ça marche. hein. Mais je te demanderai pas si c'est la Oui. tienne, j'ai déjà eu la réponse. Ah merde, bon. Mais là, c'est vrai que j'écoutais. Moi, bon, j'avais quoi? Allez, j'avais 5-6 podcasts dans ma playlist, pas plus, hein. Mais c'est vraiment grâce à toi. Ah oui. Ouais, c'est bien, mais je te promets, c'est vraiment grâce à toi. Alors, c'est vrai que PodCloud, avec le boulot de présentation de Pof et Phil, c'est quand même pas mal parce qu'il y a un aperçu un petit peu de ce qu'on va pouvoir écouter. Mais c'est vraiment grâce à toi que j'ai découvert pas mal de podcasts. Et je t'en remercie, d'ailleurs. J'en profite. Merci, Karine. Bah écoute, c'est très flatteur. Alors là. Je te dis pas que tous les podcasts que tu as présentés m'ont intéressé, mais il y a un certain nombre de podcasts que tu as présentés qui m'ont donné envie de les découvrir. Et quand j'ai le temps, je les écoute. Mais c'est vrai que j'ai un peu de retard encore. À vouloir rattraper les Temporiums, par exemple, ça fait quelques heures. Et ça, tu connaissais pas? Je connaissais pas et ça. J'avais envie de trouver un podcast qui parle d'histoire. Et puis je m'étais dit ça, et puis je crois que j'ai écouté. Allez, 2 3 jours après, je t'entends parler une fille, un podcast. Tu parles de ça. Je dis mais mince, Ah, c'est génial. c'est bien. Ouais. Après, j'en ai écouté 2 3 où les Ouais, c'est sujets vraiment m'intéressaient génial. pas. Mais bon, à la rigueur, c'est du podcast, tu passes quoi. Oui, c'est vrai. Oui, tu passes et en même temps, la personne qui fait ça a une façon de raconter qui... Enfin, je trouve ça juste génial, quoi. J'aurais eu un prof comme ça au collège. Ça fait envie, hein. Bon, après, il faut dire aussi peut-être qu'il y a l'âge qui fait que... Ouais, on a un petit peu plus de maturité pour écouter ça. Mais Oui, bien sûr. ce qui est génial justement dans le podcast, c'est que on est là, on écoute, on apprend des choses et puis en même temps, personne va nous interroger à la fin. Donc, Dépêche Pod. Voilà. bien. Merci de me couper Pardon. dans ma phrase La prochaine fois, je te l'ai pris, promis. pour que Donc, je perde retrouvez le de fil de quoi ce nous que je dis. parlions. Merci. Le lundi, c'est Dépêche Pod. À gagner un Non. t-shirt, une fille, un podcast. T'avances pas trop. Non, tu nous as même pas fait ça, tiens, d'ailleurs. Non? Bon, d'accord, tant pis. Je crois que je t'ai coupé. Oui, pas qu'un peu, hein. Bon, désolé. Non, on parlait de quoi? Je disais juste que, ouais, Temporium, c'est bien. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien, maman. Donc finalement, tous ces podcasts qui sont assez éducatifs. C'est génial à écouter parce que t'as pas la pression d'avoir tout à retenir, quoi. Il y a comme... Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai jamais eu ce souci. Ah ouais? J'ai eu la chance d'avoir une bonne mémoire auditive, donc j'écoutais, ça me suffisait. Donc. Et là, ceux qui nous écoutent, ils voient pas, mais il est tranquille sur son siège, il se la pète en arrière. Ouais, moi, j'ai une super mémoire, ça Ah non, va. mais ça marchait. Non, non, non, ça marchait jusqu'à un certain moment. À la fac, je me suis cassé les dents là-dessus. Ah! D'accord. T'en rabats un Ah peu quand même, hein. Moi, j'ai une très très mauvaise mémoire. Je ne retiens absolument pas les choses par cœur. Si c'est pas logique, ça rentre pas. Et si c'est pas visuel non plus, c'est pas possible. Du coup, c'était bien plus facile pour moi d'être bonne en maths. Par exemple. Et l'histoire, pour moi, c'était l'enfer, quoi, à l'école. Ouais, mais ça dépendait vraiment du prof, quoi, qui te l'enseignait. Parce que t'en as qui arrivent à te partager des histoires qui te font te souvenir de l'histoire, et t'en as d'autres, blam, blam, ils te donnent des dates, des événements, tu retiens ça, et puis basta, quoi, c'est fini. Forcément, c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Le supplice d'apprendre par cœur les dates et tout, enfin, Ah, mais je comprends. voilà quoi. C'était vraiment l'enfer. Alors que ça aurait pu être intéressant, et c'est sûrement intéressant. C'était juste mal amené, quoi. Enfin, en tout cas, pas dans mon. Il y a un truc que j'adorais en histoire. C'était les petites cartes de France en plastique. Ouais, tu te souviens? Oui, tu dessinais autour, là, tu traçais le contour. Ah oui, t'en avais certaines avec les fleuves, t'en avais certaines avec les villes, ou les deux. Ouais, voilà. Ça, c'était le truc que j'adorais. Mais ça se trouve plus, ça. Ah, je sais pas. Il me semble que j'en ai déjà vu il n'y a pas longtemps. Mais alors où, je ne sais plus effectivement, ça doit dater. Ouais, dans les brocantes. Maintenant, il y a des photocopies, quoi. Ouais, mais c'est pas pareil. Alors, c'est des petites cartes de France en plastique et on dessinait tout le tour de la carte pour dessiner les contours. Après, il fallait faire les contours au crayon. Il fallait faire la mer en bleu et tout Par ça, exemple. quoi. Et j'adorais cette partie, quoi. Donc, moi, la partie coloriage. D'accord. Ouais, mais non, moi je me faisais engueuler parce que je coloriais la mer en violet, alors forcément. J'adorais ça, quoi. Voilà, c'était le bon moment de l'histoire. Et donc, j'arrivais à gratter un point pour le soin aux D'accord. interros parce que, voilà, je passais du temps à faire ça. Ah ouais, mais ça devait être un supplice. Non, mais voilà. Ouais, bon, c'est comme ça, quoi. Ouais, mais c'est passé, allez, c'est derrière toi maintenant. Ah oui, ça va. Par contre, la partie que j'adorais, c'était tout ce qui était mythologie, la Grèce, tout ça, bref. Et on apprend ça quand? En sixième, je crois, Ouais, hein. je dirais ça, mais. On passe vite dessus quand même, je trouve. Enfin, voilà. C'est mon truc, ça, j'adore. La mythologie, ouais, tout ce qui est... Les vieilles choses. Ouais, c'est ça. Pardon, c'était facile. Ça va avec les francs. Ouais, ça va dans le thème. Allez, je vais dire, bon, les trois quarts de ceux qui nous écoutent savent pas de quoi on parle, quoi. C'est possible, mais tant Mais pis. ouais, ce que je ferai, c'est qu'on trouvera des visuels. On retrouvera des visuels? Et je mettrai un lien. Oui, c'était super. Ah ouais, j'ai des super souvenirs. Qu'est-ce que Ah j'en ai ouais, dessiné des Frances? c'était vraiment super. Bon, voilà. Donc, Temporium. Mais il y Temporium. en a plein d'autres, hein, des podcasts d'histoire, tu le sais. Il y en a un que j'ai écouté qui raconte plein de petites histoires sur la Nouvelle-France. C'est un Québécois qui fait ça. Alors, je ne sais pas pour nous si c'est vraiment de l'histoire à proprement dit comme l'histoire de France, mais c'est super intéressant. Enfin, je sais pas, le gars, il arrive à t'emmener avec lui et voilà. D'accord, ouais. Je sais plus comment D'accord. ça s'appelle. La Nouvelle-France, là. Ouais, enfin bref. J'ai pas révisé en fait pour Pour faire. ce Bah non, pour soir? se Ah faire là ce là! TAT avec toi, j'ai pas révisé, je savais pas que je me Être ferais interrogé? interroger, ouais. Oh. Donc du coup, ouais. Je t'avais dit que j'avais quelques questions quand même. Ouais. Alors, un autre que tu ne m'as pas fait découvrir par contre, mais que j'ai découvert sur PodCloud, c'est Bienvenue à Valnuit. Tu Ouais. connais de c'est Cobal qui réalise ça. Et je trouve ce podcast absolument génial. L'univers. Avec le village. Ouais. Le narrateur. Enfin, non, c'est pas le narrateur, c'est le journaliste en fait. Il a une voix qui est super bien posée. Il joue vachement bien. Et c'est super bien monté. Vraiment, moi, je me régale. Je rentre là-dedans. Première fois que j'ai écouté ça, c'est vraiment le visuel qui était très simple qui m'a plu. Et je suis rentré là-dedans cet été pendant que je faisais, je crois, des peintures ou que je ponçais du placo. Je sais plus. Mais je me laisse écouter 3 ou 4 fois d'affilée. Alors, est-ce qu'on ponce mieux le placo quand on écoute Valnuit? Ça Parce que te fait ça, c'est vachement quand moins même chier quand même. super chiant comme job. Parce que le placo, la peinture aussi, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai, t'aimes pas la Mais peinture? voilà, là quand tu en fais, quand t'as, allez, pas loin de 400 mètres carrés à faire en 3 couches, Ah ouais, quand même. Et t'as mis quoi? Ben, bah du blanc? alors du blanc pour le plafond, dans les chambres, non, non, il y a 3 murs blancs, il y a un mur de couleur. Voilà. Et puis non, non, tout ce qui est salon, salle à manger, cuisine, on a 2 petites teintes, des grilles très claires. Mais voilà, enfin bref, on s'en fout, ça après dans le Ah podcast. non, mais moi je m'en fous pas, hein! Mais toi, non. Ça se trouve, il y a des podcasts de bricolage, on n'en sait rien. Bricolo et Mulot. Mais j'écoute pas Bricolo et Mulot, j'ai pas le temps. Ah merde, je voulais troller, tu m'as complètement coupé Mince. mon truc, mon Pardon. élan. Bon, il fait pas de Mais il peinture. fait pas ça, Non, de parce toute que les façon. 1200 mètres carrés de peinture à faire, j'en ai encore une tendinite. Ouais. Ben tu vois, moi je suis dans un chalet, donc je sais pas c'est quoi, hein, Et la même pas un peu de peinture. l'azur à l'extérieur? Si, ben si, forcément, tout l'intérieur est en l'azur, mais l'extérieur est en huile flamande. D'accord. J'explique là, c'est quoi? Non! Ouais, moi je ne connais pas l'huile Déjà, ils s'en flamande, à foutent moins de qu'elle ça. vienne de là-bas, mais. C'est quoi? Bon, ça intéresse quelqu'un, ça? Pourquoi pas? Bah vas-y. Alors, c'est un truc génial pour les gens qui ont du bois en extérieur. Arrêtez tout de suite de mettre de la lasure, hein, c'est de la connerie, faut pas faire ça parce que la lasure ça Il faut pèle. poncer. Et quand tu veux Et c'est refaire chiant. ta voilà, quand tu veux refaire ta façade, eh ben il faut poncer et ça c'est super chiant. Alors que l'huile, c'est un produit naturel qui pénètre dans les fibres de bois. Et donc, du coup, elle va pas faire une petite pellicule que tu seras obligé d'enlever à la ponceuse. Et ça va entretenir le bois. Et il y a à l'intérieur de ce produit des filtres UV pour que ça prenne pas des teintes de plus en plus foncées. Ou alors si, mais très très légèrement. Et puis voilà, ça donne un petit... Ça donne pas un aspect brillant comme la lasure, mais tu vois, ça ne... Ouais. Ça protège le bois et D'accord. D'accord. Ok. ça te permet de pouvoir juste repasser une couche sans devoir poncer. Donc au fur et à mesure, tu rajoutes des couches et tout. Ah ouais. Et du coup, si ça peut t'éviter le ponçage, eh ben ça, voilà, ça vaut le coup. Surtout sur une maison, quoi. Si ça vaut... Bon, bien sûr, ça vaut une blinde, mais c'est pas grave. Non, ouais. D'accord. Si ça peut t'éviter le ponçage, voilà. Technico d'huile flamande. Ouais. Voilà, c'était la petite minute. Conseil bricot. Voilà. Et voilà. Voilà, donc tous ceux qui habitent en appart en ont rien à foutre. Bon, bah, vous aviez qu'à passer, hein. Maintenant, tu vas chapitrer tes podcasts, toi aussi. Oui. Ok. Donc, on a parlé de Bienvenue à Valnuit. Bon, on en parle un peu plus ou tu passes un extrait ou... Ouais, je pense que tu peux passer un extrait parce que franchement, il mérite. Aujourd'hui, la qualité de l'air sur Amour est tachetée. Bienvenue à Valnuit. Des représentants des assurances de Valnuit et des environs ont annoncé cette semaine que les acteurs majeurs de l'assurance ne couvriraient plus les maladies disséminées par le gouvernement. Ces affections avaient été créées afin de contrôler les populations indésirables et comprennent le sida, la plupart des cancers, le syndrome de l'intestin irritable, la télékinésie, les picotements, ainsi que toute allergie alimentaire. Les médecins indiquent que le meilleur moyen d'éviter d'attraper ces maladies est de limiter les activités publiques douteuses. Essayez de ne pas faire partie d'une classe économique inférieure et faites des dons réguliers à une organisation religieuse approuvée. Prenez ces précautions au sérieux et vous devriez rester en bonne santé ou, au minimum, couvert par votre mutuelle. Mesdames et messieurs, je vous fais passer d'un désastre inexistant à un désastre inexistant. Il est de mon triste devoir de vous annoncer que le conseil municipal déclare officiellement l'état d'urgence à Valnuit à cause de la situation de vie ou de mort prolongée due au blé et aux produits dérivés du blé. Le conseil déclare que quiconque est entré en contact avec du blé ou des produits dérivés du blé et a, par un heureux miracle, survécu, doit se considérer infecté et se rendre à la zone habituelle de quarantaine, juste derrière l'aire de jeu du parc paroissial, afin de finir ses jours calmement dans la contemplation et la broderie. Tous les autres devraient immédiatement se rendre dans l'abri anti-blé et produits dérivés du blé, qui est resté inutilisé durant des décennies sous la bibliothèque municipale. Quand on lui a demandé pourquoi un abri anti-blé et produits dérivés du blé existait, le conseil municipal a simplement répondu « prophétie ». Et comme toujours, depuis toujours, et pour toujours, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Alors, un autre podcast que j'écoute assez régulièrement, c'est Quid Novi. Alors, le podcast qui est animé par Barberousse, Kenny Nett, Apollinaire, Esferé. Alors, Esferé, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Péremptoire, quand il a le temps. Et puis, d'autres membres de la clique. Matt. Oui, Matt. Et il y a Musica. Musica. Et puis, bon, il y en a encore d'autres. Et je crois qu'ils sont 7-8 dans l'équipe. Ils interviennent à tour de rôle. Et bah, c'est un podcast que je trouve assez super aussi, tant sur la manière dont il traite les infos qu'il sélectionne. Alors, le slogan de Queen Novi, c'est « Des TLX antiques, mais pas en toc ». Alors, c'est vrai que c'est traité d'une manière très décalée, et puis il nous parle de sujets très divers et variés. C'est vrai que, je sais pas si t'as écouté le dernier spécial fille, avec Apollinaire qui nous parle de la cup... Voilà, j'ai bien rigolé. Voilà, par exemple. Mais bon, bref. Cet été, ils ont fait une série aussi de hors-série spéciale jeux de rôle. Assez fandard aussi. Ça aussi, je me l'ai écouté 3 fois en boucle. Non. J'ai pressé Barberousse, mais il n'a pas voulu les libérer plus tôt. Et pareil, pour bricoler, c'est génial, quoi. Mais voilà, donc faut vraiment écouter, oui. Alors, Alors, est-ce que les JDR de toute cette équipe-là, t'a aidé à poncer mieux ton placo? Alors, j'ai pas pensé à ce moment-là, Non, j'étais. Non, à ce moment-là, je crois que j'ai j'étais fait dans des la joints de faïence de la carrelage. salle de bain. Oui, mais tout à fait, dans la faïence de salle de bain, mais tu vois, t'étais pas loin. C'est toi qui as fait ça? C'est à ce moment-là qu'on donne un conseil pour ceux qui font du carrelage? Alors, si vous voulez poser du carrelage, Oui. non, je déconne. Évitez. Moi, j'ai fait à la disqueuse et prévoyez une bonne scie qui va bien, mais la scie avec la pointe diamant, parce que je pense que c'est le mieux pour couper droit. T'as coupé tes carrelages à la disqueuse? Ouais, j'ai tout fait à la disqueuse. J'avais Et c'était une droit? scie T'as sur réussi à table. faire des coupes droites? Quasiment, ouais. Mais j'en ai chié. Bah oui, c'est clair. Mais ça s'appelait une carrelette. Ouais, une carrelette, voilà. T'aurais mieux fait de t'acheter ça, je crois. Peut-être, puis j'aurais évité de bouffer des disques diamants aussi. Ah bah oui. Faut tout apprendre. Ouais, mais écoute, il me reste encore un petit peu de carrelage à faire, donc tu vois, je crois que je vais peut-être investir dans une petite carrelette pour terminer. Oui, puis quand t'en as marre, ben tu la revends. Oui, ou je la mets au grenier, On mais il faut que je fasse le grenier aussi. carrele pas les greniers, Ouais. tu sais. Oh, non. Ah bon? Non. Oh, j'avais envie. Ah non, une fois que je suis parti, je carrelle tout. Bon. On était parti là. Voilà. Ce que je te propose, c'est Oui, dis-moi. un podcast présenté, un conseil brico. Un podcast présenté, un conseil brico, hein? On pourra peut-être Ce essayer serait ça. marrant. Ouais, mais il faudrait que j'en trouve assez de conseils bricolage. Bah, on va vraiment saouler ceux qui nous écoutent. Je pense. Ils vont plus vouloir m'entendre Ouais, parler. non. Donc, Est-ce que oui. tu veux qu'on passe à un extrait des JDR? On peut passer un extrait des JDR de Ça te Queen fait Olivia. plaisir? Oh, ça me fera très plaisir. Je te remercie, De Karine. rien. C'est gratuit. Enfin, jusqu'à présent, c'est gratuit. Un JDR est parti sur 6 épisodes d'environ 1 demi-heure. Chacun. Salut, donc moi c'est Cerveau. Je viens des podcasts de Comic City qui review les sorties de comics. Et je possède une santé mentale déliquescente qui fait de moi un maître du jeu et m'a amené à tenter Queen Novi pour une sympathique partie d'INS. Épisode 1. Faire une virée à 5 ans pointe à Charente. On va y aller, non? On va y aller quand même. Vu le... De toute façon, moi je finis le boulot là, c'est bon. Vu non, le ton du courrier, je crois que ça laisse pas tellement de place non. Au refus. Puis évite de finir le boulot et de dire ça devant Gisèle, parce qu'avec sa bûche, elle va mal le prendre. LOL. Oh. On vous a bien sûr demandé de détruire ou d'avaler ce papier une fois la lecture finie. Oh, facile. Moi non. Je peux, c'est facile. Vous m'en mettez de côté, je dois pouvoir le faire. Oh, moi je le mange. Pareil. En tous les cas, vous vous retrouvez à 3h33 du matin devant cette station de métro qui semble fermée. Il y a très peu de monde aux alentours parfois, il y a une voiture qui passe au loin, mais sinon c'est extrêmement vide. Et vous remarquez que par une coïncidence incroyable, il n'y a que vous cinq présents devant cette station de métro fermée. Est-ce que je peux faire un appel de phare? Vas-y. Bah, je fais un appel de phare démoniaque, cling cling. Les autres, vous le voyez clairement, ce monsieur avec un faciès improbable est apparemment un démon, comme vous. Bon, je réponds avec le même appel de phare, mais mieux, parce que moi je suis mieux. Voilà. Et je m'approche de lui. Alors je re-réponds avec un autre appel de phare, mais en morse, je lui dis va te faire enculer. Pas vieille, hein, je suis désolé. Enfin, je suis pas vieux, hein, je suis désolé. Je suis quand même plutôt pas mal, il y a moyen de pécho de la petite jeune, hein. Ah, bravo. Écoute, c'est mon boulot, hein. Vous finirez par arriver à Angoulême vers les 10h32. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi. Alors, des podcasts que j'essaye de regarder, alors il y en a peu que je regarde, c'est Podsac, avec Evie Lachimétrie, The Floydus, qui nous parle de cinéma, qui en parle d'une manière toujours très fraîche comparée au reste. J'aime beaucoup leur manière de parler cinéma et de choisir les sujets. Enfin, je les ai surtout regardés dans les premier jusqu'à il y a on va dire 8 mois environ et ben, j'aime beaucoup leur manière de faire voilà et c'est un des rares enfin non je crois qu'on peut dire que c'est le seul podcast vidéo que je regarde parce que j'ai pas beaucoup de temps pour que à fixer l'écran. Pour la vidéo. Ouais, pour la vidéo. Mmh. C'est vrai que ouais, le podcast. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Et... Mais c'est vrai que même à la rigueur, en podsac, tu peux l'écouter juste. Tu mets pas la vidéo, tu regardes pas et ça marche bien. Dans les podcasts cinéma, alors là, c'est plus en fonction du sujet, je continue avec Split Screen. Que tu connais sûrement et qui est quand même assez connu dans le monde du podcast, qui bah, pareil quoi, qui fait plus des analyses, des explications sur les films. Là, on est plus en lien avec l'actualité quand même. Ouais, puis, il me semble que j'en ai déjà parlé. Et puis bon, Split Screen, on peut faire le lien, refaire un lien avec Plan B, voilà. Donc parce qu'In the Bleak, c'est dans Split Screen et dans Plan B. Tu écoutes donc Plan B. Et j'écoute donc Plan B, voilà. Et j'en suis au dernier, j'ai pas fini d'écouter le dernier, donc il va se dire des choses et... Mystère. Voilà, gardons le mystère. Ok. Je peux pas le raconter, je l'ai pas entendu. D'accord. Voilà, donc Plan B. Alors, Plan B. C'est quoi comme genre de podcast, Plan B? Parce que j'ai jamais trop présenté. J'ai jamais eu trop l'occasion d'avoir quelqu'un qui m'en parle, je crois, je sais plus. Enfin, bref. Alors, Plan B, c'est une équipe de potes qui fait un podcast en prenant l'apéro et qui choisit de traiter un sujet pendant son podcast. Alors ça peut être Star Wars, ça peut être Nostalgique, ça peut être... qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait Star Trek, ils ont fait les ovnis, et assez régulièrement, ils ont des personnes invitées qui viennent apporter un éclairage raisonnable, sérieux sur le sujet, alors que voilà, vont faire la chouille, enfin faire la chouille. Ils vont faire leur apéro, donc tu sens l'ambiance qui monte au fur et à mesure du podcast, et c'est vraiment, t'as l'impression d'être à table avec une bande de potes et tu partages un super moment avec eux. Donc vraiment ils enregistrent ensemble en fait. Ils enregistrent ensemble, ouais, réellement. Donc c'est vraiment, t'as vraiment cette ambiance là qui ressort dans le podcast et je trouve ça super agréable. Ensuite, les sujets sont quand même bien traités. Et il y a quand même... Bon, de la recherche Wikipédia quand même, mais ils le disent eux-mêmes. Mais voilà, moi je trouve ça vachement intéressant et puis super, super sympa. Donc vraiment, je te conseille d'aller faire un tour et d'écouter les plans B. Très bien, c'est noté. Voilà. Eh ben, j'irai faire un tour et je mettrai un extrait. D'accord, ok. Là, tu peux mettre un extrait, voilà. On s'écoute donc un extrait de plans B. Les geeks parlent. Vous le saurez la prochaine fois. À la fin. Oh le fail. Parce que techniquement la prochaine fois, enfin bon. On en parlera plus tard. Je dis ça, j'ai rien. C'est clair. Non. On va la refaire. Non. Je suis désolé. Non. Ça sert à rien de la refaire, c'est lui qui baisse mit. Cette musique. Ah, ça fait bip. Ouais. Ah ouais. Ça fait non, bip. Je suis désolé. La prochaine fois, parce que en général, le twist dans une série, en tout cas. Tu as la réponse à la saison d'après. Absolument. Alors, dans une c'est série. C'est pas faux. Dans une série. J'ai pris le parti pris de parler de série. En montant ta petite mèche. Souvent, souvent, le twist était plutôt cinématographique. Nous en parlerons. Putain, ça me gave cette. C'est un petit son. On dirait un pacemaker. Mais ah ouais. On dirait. Hein. Varou, il y a des blagues à pas faire là. Oh, bah, si, je suis interférence, les mecs. Je suis désolé. Bah, Interstellar, quand tu comprends après le si, pourquoi si, des, y a une twist. Enfin, le pourquoi des signaux, le pourquoi de machin, oh, alors ouais, qu'au début alors, attends, tu ne le soupçonnais pas. Ouais. Je suis pas d'accord. Interstellar, on est pas vraiment, toi ta gueule, tu l'as pas bon, vu. Pas on n'est pas. même si c'est du cliffhanger. Il y a un énorme twist aussi, une troisième saison des Snorkies où on sort. en fait, l'antenne leur sert pas du tout. Ça n'a rien à voir. Si, alors il y a le fameux. En fait, elle est reliée directement à la nue, d'où les bulles. Tous les bulles. Et du coup, tu vois les Snorkies d'une manière complètement différente. C'est ça. Voilà. Et pour finir, deuxième saison de BBC. Et pour finir sur J.J. Abrams, il y a le fameux n'a pas être blanc, quoi. We Have to Go Back, qui est là effectivement un retournement. En plus, là, qui est un double retournement de situation. C'est la fin de saison 3 de Lost. Donc, alors, on en a perdu deux. Enfin, un physiquement. L'autre, qui est toujours à table, mais franchement. Qui est toujours à table, mais il a les yeux en trou de pine, comme qui dirait. Mais il a dit, ouais, mais parle dans ton micro déjà. Ouais, voilà. Hein. Donc oui, donc le twist. Donc on a du mal quand même à définir définir le twist. Hein. Des bisous, merci encore Lolo. Ciao. Ciao. Alors, pour continuer avec ce genre d'émission, plan B, ben, je mettrai avec Poff et Phil de P2P. Qui ça? Ou Phil et Poff, je sais jamais dans quel sens les citer. Je connais pas. Poff et Phil. Feel Good, Poff Magic Finger, tu connais pas? Tu sais, des gars qui t'ont pourri un podcast une fois. Ça te dit rien? Ah, mais moi je me suis bien marré. Ah, hein. Mais moi aussi, je te rassure. Hein. Mais ils t'ont pas loupé. Bah. C'était gentil, mais c'est. Tu vois ça comme ça, toi? Ah, non, mais ils t'ont taquiné tant qu'ils ont pu. Moi, j'ai trouvé ça plutôt. Ah ouais. Moi, je me suis bien marré. Non, non, non. J'ai pas l'impression d'avoir été maltraité. Bah, surtout quand on les connaît un petit peu, ils auraient pas réagi comme ça, on aurait pu s'inquiéter. C'est pas faux, ouais. C'était bon enfant, ouais. De quoi vous amuser. Bon, ils savaient aussi que j'allais réagir comme ça. Hein. Ouais, je suis bon public. Bon, c'est vrai qu'on se parle plus depuis, mais bon. Voilà. Voilà. Donc. Et attends, je peux prendre deux secondes pour dire un truc là. Oh, allez, je te laisse la parole. Le P2P. Oh non. Un autre podcast dont je voudrais te parler, c'est alors. C'est toi qui me l'as présenté la dernière fois, mais je suis tombé dessus à peu près en même temps. C'est la playlist de Barberousse. Mais vu que tu en as déjà parlé la dernière fois, je pense que c'est pas la peine de s'attarder plus que ça. Alors, pour continuer, ça c'était les podcasts plutôt fun. Après, j'en ai d'autres qui sont plus en relation avec le professionnel, qui sont Nipédu et puis Les Arts du Fleu, qui est devenu Les Agités. Nipédu, donc, est un podcast qui est animé par un IEN, un prof des écoles et puis un conseiller PEDA. Aïe, aïe, aïe, ça y est. Ouais. Voilà, on y est. On est en train de parler avec des lettres. À quoi ? T'as dit quoi ? Un IEN, c'est un inspecteur de l'éducation nationale, c'est un petit chef de circonscription. Enfin, un chef de circonscription. Donc, tu vois, par rapport à un enseignant, c'est son chef direct. D'accord, ouais, j'avais compris ça. Après, bah, un prof des écoles, tu vois ce que c'est ? Tu vois, le monsieur ou la dame que tu mets dans la classe. Oui, ça quand même. Et puis ensuite, un conseiller PEDA. Alors ça, c'est les gens qui viennent soit te donner un coup de main, te présenter des nouveaux trucs ou... voilà, enfin ça dépend. Et voilà. Et donc, ils parlent de différentes choses. Soit ils vont parler de l'actualité de l'éducation, soit ils vont présenter des dispositifs. Donc il y a eu la Touquetée, par exemple, qui a été présentée, ou ils vont faire des tours sur les salons de l'éducation. Et ils vont, pareil, faire des retours sur ce qu'on pourrait y trouver. Donc ça, c'est un podcast assez sympa. Pareil, quand je l'écoute, j'essaie de le faire poser au bureau, pouvoir prendre des notes des fois, parce que forcément, ça peut m'intéresser. Et donc, je l'écoute pas forcément toujours. J'ai beaucoup de retard encore. J'ai une petite vingt-cinquaine d'épisodes de retard. Oui, Nipédu, ça me dit quelque chose. Ça fait partie du groupe... La famille NIP. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais au niveau des intervenants, voilà, c'est vraiment trois intervenants spécifiques. C'est toujours les mêmes personnes ? Quasiment. Avec des invités, mais ouais, ils sont quasiment toujours tous les trois. Après, des fois, il y a des absents, mais... Mais il y a... Enfin, moi, je te dis, j'en ai à peu près 25 de retard, donc dans les 25 qui manquent, peut-être qu'il y a un nouveau qui est arrivé. Hein. Mais... Ah ouais. Ben oui, j'ai un peu de retard, j'avoue. Après, ça va, c'est des choses que tu peux prendre oui, complètement. Un peu n'importe quand, quoi. Ça reste intemporel. Non, non, non, non, non, tu prends, voilà. De toute façon, tu vas sur le site de Nipédu et puis tu pioches en fonction du sujet si ça t'intéresse ou pas. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y avait un autre podcast qui t'intéressait. Eh oui, t'es allé l'écouter alors ? Alors, je suis allé l'écouter, j'étais plus sur les agités que sur les arts du fleu. Alors, j'en ai écouté qu'un pour l'instant. C'est vrai, ça faisait super longtemps que je voulais écouter Sébastien en podcast. Mais voilà, j'ai pris le temps que le week-end dernier. Et donc, les arts du fleu, comme le nom vous l'indique si vous êtes dans le métier, ou ne vous l'indique pas si vous ne l'êtes pas, c'est sur le français langue étrangère. En fait, ce sont des profs de français qui vont... Oui. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu comment c'était écrit... Le fleu ? Qu'on sache... C'est FLE. Ah, bah... ah oui, oui, oui, c'est ah oui, vrai. Mais toi, tu trouves ça tellement logique. Ben, quand t'es dans mais un non. métier, forcément, ça te paraît logique, mais oui. Ben voilà. Donc, moi, je l'ai découvert parce que je me suis posé la question. J'ai vu passer sur Twitter Seb, The True Seb. Oui. C'est vrai, c'est son pseudo Twitter, oui, oui. Et du coup, je sais pas comment il est apparu dans une conversation, mais du coup, j'ai vu ça. Art du FLE, hein, je savais pas que ça s'appelait FLE. Ah, pardon. Et... bah, oui. Je suis désolé. C'est peut-être moi qui l'ai retweeté, parce que généralement, quand je vois les messages de Sébastien, j'essaie de les retweeter. Et en plus, t'écoutes pas? Mais... j'écoute pas parce que j'ai pas le temps, mais ouais, des excuses, hein. Bon, enfin bref. Et du coup, je suis allée lui demander, c'est quoi ça? Et il t'a dit, mais écoute le podcast? Non, il m'a répondu très gentiment, parce qu'il est pédagogue, D'accord. Lui. D'accord, ouais, c'est bien qu'il y en ait. Ok, français, langue étrangère. Mais qu'est-ce que c'est? Mais quel pays, pourquoi donc? Est-ce que tu l'as demandé où il travaillait? Non, je suis allée écouter un podcast et j'ai eu ma réponse. D'accord. Donc Seb, il faisait un podcast qui s'appelle L'Art du FLE, parce que, si j'ai bien compris, c'est des profs qui enseignent le français dans d'autres pays, voilà. Qui n'ont pas comme langue maternelle. Dans le français n'est pas la langue maternelle. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai écouté ce podcast-là. Et j'ai bien aimé. Et c'est super curieux, hein, je le conçois. Mais... C'est vrai. C'est pas forcément mon domaine. Mais il y a des invités. Dans cette partie-là, hein, dans la partie où il faisait encore l'art du FLE, il y avait une partie du podcast où il parlait seul et puis une partie où il parlait avec un invité. Et puis, il gardait des fois à la fin un petit peu tout ce qui était nouveauté, beaucoup de tech aussi dans ses podcasts. Hein. Je crois que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les podcasts. Et tu vois, du coup, j'aime bien en fait cet angle-là qu'on me dise qu'il y a, qu'on peut insérer la nouvelle technologie dans les nouvelles technologies avec les enfants. T'as le droit, ça fait pas mal, c'est pas grave, tu vois. Et tu sais que ça fait partie de ce qu'ils doivent, la tablette, ça fait partie de ce qu'ils doivent savoir utiliser en maternelle maintenant, si ça peut te rassurer. Ouais, et du coup son podcast a migré ou a fusionné avec le blog Agitao, ou un truc comme ça. Et il a donc sorti un podcast qui... Et ils ont sorti... Ils ont sorti, ils sont trois, ouais. Un podcast qui s'appelle Les Agités. Donc, il y a aussi d'autres personnes. Donc, Seb, Pascaline et Fred. Tout à fait. Et Pascaline, elle est en France maintenant. Et c'est quelqu'un, je crois, qui était vers le Vietnam ou la Chine. Je ne sais plus exactement. Et l'autre au Japon. Elle était vers Taïwan Ouais. Et maintenant, ils sont tous les deux en France et Seb, il est à New York. Ouais, c'est ça. À New York. Et tu sais quoi? Moi, j'ai Christophe de Lifestyle qui est parti visiter l'ONU avec Sébastien. Ah, donc si on va à New York, on appelle trop Seb. T'appelles Sébastien, peut-être qu'il pourra te faire visiter l'ONU parce qu'il a ses entrées. D'accord. Attends, ça, je me le note. Voilà, pour toutes les fois où tu vas à New York, c'est vrai. Ouais, d'accord. Non, mais revenons à quelque chose de sérieux. C'est vrai que oui. J'ai trouvé que la différence entre les deux podcasts, The True Seb qui fait l'art du FLE et Les Agités, ça donne une autre ambiance en fait, le fait d'être à plusieurs et tout, c'est un petit peu plus détendu, un petit peu, voilà. Ça me plaît à moi. Après, je sais pas du tout. Mais alors, dans Les Agités, ils ont quand même sorti, de mémoire je dis ça, trois podcasts en un. Ils ont trois formats différents. Mais je trouve ça génial pour quelqu'un qui me dit qui a pas écouté. Et tu me dis que t'as pas écouté. Non, mais je l'ai quand même écouté un petit peu. Alors, vas-y. Alors, de mémoire, il y a un podcast qui est vraiment très pédagogique. Moi, j'ai noté, donc vas-y, je vais t'écouter et je vais vérifier si t'as juste ou pas. Alors, il y a un podcast qui est vraiment sur les techniques pédagogiques, ce qu'ils font dans les classes. Il y a une partie, c'est plutôt le podcast sur la salle des maîtres où ils vont parler de classe, mais sur les anecdotes, ce genre de choses. Et une partie, pour eux, qui était plus la récréation, où ils vont être sur des sujets qui sont plus ou moins en lien avec leur métier, qui peuvent être complètement en dehors. Et voilà, plus à la rigueur, je dirais le podcast, on se fait plaisir à discuter entre nous. Je me trompe, Karine ? Donc je crois que tu retrouves les agités du FLE, les agités de la classe et les agités du dernier rang. Voilà, c'est ça. Hein. Moi, je les ai écoutés parce qu'en fait, le fait d'entendre des profs dans une autre, dans un autre contexte, pour moi en tout cas, qu'à l'école, que moi en tant que parent, eh bien, de les entendre discuter entre eux, il y a des choses qui deviennent plus claires pour moi. Je vais avoir un autre angle et du coup, quand j'ai des discussions avec la maîtresse de mon fils, je vais mettre peut-être un petit peu plus de tact dans ma réponse quand elle va mettre le doigt sur quelque chose, tu vois. Ouais, au moins tu vois mieux ce qu'elle veut dire peut-être. Et je trouve ça super intéressant en fait de trouver des instits parler entre. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Si. Moi, je préfère instit que prof, mais c'est personnel. Ouais. Donc. Et surtout, comme ils viennent un petit peu d'horizons différents, on va dire, ils ont une approche pédagogique qui est encore autre que celle qu'on a l'habitude d'avoir ici en France. Et du coup, ça, je trouve ça super intéressant. Et puis du coup, voilà, je l'utilise, puisque moi aussi, je donne des cours particuliers. Alors, je suis rattachée à la partie artistique de la Maison de la Culture. Ça le fait bien, hein. Bon. Non, j'ai un groupe de gamins le vendredi soir pour l'art plastique. D'accord. Ils sont pas nombreux, hein, mais du coup, comme je m'occupe de ça... Et c'est génial, j'apprends plein de choses en écoutant leur podcast parce que il y a toute une approche que moi je ne sais pas faire. Le contenu, il n'y a pas de souci, mais la gestion des enfants, c'est différent, quoi. Oui. Tu sais, je dois me contenir parce qu'au bout d'une demi-heure, j'ai un petit peu envie d'en tuer un. le pendre par les pieds au milieu de la salle pour faire l'exemple. Bon, j'exagère, mais quand même, il y a des fois où... bon, allez, honnêtement, il doit bien y avoir 2-3 profs là qui nous écoutent, qui se disent la même chose. Ouais. De temps en temps, ça doit défouler. Donc ça, j'évite, hein, parce que j'ai pas envie de me faire virer. Vous avez compris, c'est comme ça que ça marche. Oui, puis ça serait mal vu, je pense. Ouais. Les parents le prendraient mal, je pense. Ouais, ouais. C'est possible. Quoique... Non, je plaisante. En plus, ils sont adorables, les gosses. Mais bon, voilà, tu vois, c'est le vendredi soir et ils sont à fond, ils ont envie de jouer et ils ont fini leur semaine. Bon, voilà. Et puis moi, je suis cool, alors j'ai pas trop envie de râler. Je trouve ça super intéressant pour savoir comment s'y prendre. Et il y a des choses que j'ai apprises en les écoutant. Ouais, donc toi, tu l'écoutes plus pour aller choper des techniques que tu réutilises. C'est ça. Mais je l'écoutais déjà avant, en fait. Mais sauf que là, du coup, ça devient beaucoup plus concret, tu vois. Et puis, finalement, avec les adultes aussi. Parce que oui, parce que le vendredi, j'ai les enfants là, en fin d'après-midi, mais j'ai les adultes après le soir. Et du coup, il y a des choses que je fais sans m'en rendre compte, et que je retrouve dans leurs explications parfois. Oui. Attends, faudrait que je prenne un exemple. Ouais. La salle n'est pas forcément adaptée à ce que je fais, et du coup, on change les tables de place, etc. Et donc, je me retrouve souvent au milieu. On met tout en U, enfin voilà. Et du coup, je me retrouve le centre du monde, tu vois. Non, j'aime bien ça. Non, je déconne. Mais bon, c'est plus facile pour moi. Et une fois, j'avais présenté un autre thème et il n'y avait pas besoin de toute cette place. Donc du coup, j'ai pas bougé les tables. Mais tu l'as fait quand même. C'est ton petit rituel. Non, je l'ai pas fait justement. Et du coup, j'ai eu l'impression que les personnes étaient dérangées dans leurs habitudes, tu vois. C'est un peu bizarre. Et quand j'ai écouté le podcast après, je me suis rendu J'ai entendu justement qu'ils parlaient de ça et qu'il y avait un rituel, qu'ils avaient besoin de prendre possession des lieux, de se mettre comme ça. Et... Ouais, donc maintenant, il n'y a pas de souci, tu vois, je déplace tout le temps les tables. Ça ne sert à rien, c'est pas grave. Ouais, je serai encore le centre du monde ce soir, même si ça ne sert à rien là, mais ouais, voilà. Ça me plaît. Et tu vois quoi, c'est tous des petits trucs comme ça qui font que j'aime bien écouter ce genre de podcast parce que t'apprends plein de choses. Puis même au niveau personnel, dans l'approche que t'as avec ton enfant, quoi. Et toi ? Et alors moi, ben en fait, ce que j'y cherche, enfin, de celui que j'ai entendu en entier, il parlait vraiment de leur expérience. Il s'adresse plus à des adultes. Enfin, dans ce dont il parlait, il parlait plus de leur travail avec des adultes. Ce qui, là, actuellement, m'intéresse beaucoup moins, je t'avoue. Et ce qui se mène, c'est vrai, différemment. Moi, avec des petits, je cherchais des pistes, en fait, parce que moi, ils sont tous en français, langue maternelle. Sauf que certains manipulent tellement mal la langue. Je me dis peut-être qu'ils ont des trucs, des techniques, des choses sur lesquelles il faut faire attention ou des manières de remédier qui peuvent être intéressantes. Et c'est vraiment dans ce but-là. Après, quand tu passes la journée et que tu réécoutes ça, dans cet objectif-là, tu te dis... Ça fait beaucoup, t'as d'autres choses à faire, tu pourrais écouter Karine qui te parle d'autres choses. Voilà, pour passer un bon moment. Ah merde, j'ai un peu l'impression d'être au boulot, voilà. Et c'est un peu pour ça, je pense que des fois j'ai du mal à m'y lancer. T'as l'impression de retourner au boulot ? Ah bah oui, non mais c'est logique. Alors c'est pour ça que moi j'aime bien, tu vois. Et si tu veux, je te fais un résumé des choses intéressantes. Après, on pourrait échanger justement là-dessus. Mais est-ce que ce que toi tu vas trouver intéressant dans l'optique que tu as, est-ce que moi c'est quelque chose qui va me parler dans l'optique que j'ai ? Et puis, tu nous fais pas écouter un petit extrait des agités quand même ? Il mérite ? Ah, je pense qu'il le mérite quand même. Bah oui, ça fait une demi-heure qu'on en parle, c'est le minimum. Bon, on s'écoute un extrait des agités. Et la musique, elle est bien en plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des agités de la classe. Les agités de la classe, c'est le podcast de la communauté Agito où on parle pratique de classe. Alors dans cet épisode, eh bien on arpentera les allées virtuelles de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. On transposera les hémicycles de la COP21 dans nos classes et on discutera à bâton rompu lors d'un point qui tue consacré cette fois-ci au début de cours. Pour aborder tous ces sujets, j'accueille aujourd'hui avec moi Seb. Coucou Seb, ça va ? Ça va, salut. Écoute, content du retour. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode ensemble, alors ça me fait plaisir d'être là. Oui, ça commence à faire un petit moment, ouais. Aux côtés de Seb, eh bien, on accueille Pascaline. Tout va bien oui, pour ton côté, Pascaline ? Salut Fred, salut Seb. Tout va bien ? Bah oui, tout va bien. Je suis toujours à Bordeaux, là. Ouais, alors tu disais hein, effectivement en fonction du public et puis du contexte, ça peut changer. Toi, Fred, tu fais comment tes débuts de cours ? Donc ouais, voilà, il y a vraiment le contexte d'apprentissage, le contexte culturel aussi à prendre en compte lorsqu'on crée ces rituels de début de cours. Ouais. Et puis alors sur les rituels, hein, si vous voulez vous y intéresser aussi, moi je recommande vraiment toute la littérature qui est prévue pour les professeurs des écoles. Parce que c'est quelque chose de capital pour eux. Ouais, donc la responsabilisation. Donc il y en a un. Bah alors c'est fini les agités de la classe. C'est déjà fini. C'est déjà fini les agités de la classe. Ouais. On a bien échangé. Voilà. Au revoir, Seb et Fred. Je vous dis à très bientôt sur le Trello. Ouais. Revoir, et Pascaline. Puis au revoir Pascaline, au revoir Fred. Et puis on va souhaiter à tout le monde bon cours. Oui, bien sûr, bon cours et même une bonne soirée pour ceux qui sont à l'heure de France. À une prochaine fois. Salut. Salut. Eh bien, on espère. Pardon, ok. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Eh bien, c'est un peu tendu en ce moment. Tu peux rajouter comme un string, quoi. Oui, vas-y, je te laisse parler de tech. Je sais plus, ça marche comment dessiner, c'est gagné. Bah, tu dessines et puis celui qui devine a gagné. Oui, c'est ça, ok. Alors, si t'as encore quelques podcasts à nous présenter, vas-y, je te laisse nous en parler. D'accord. Alors, je vais commencer avec le Rendez-vous Tech, animé par Patrick Béja. C'est un classique, t'en as déjà parlé. Patrick Béja, grand monsieur du podcast. Donc, un incontournable pour écouter le traitement de l'actu. Même si je suis pas toujours d'accord avec avec ce qu'il dit, mais je trouve que Il a une manière de parler des choses hyper respectueuse qui est quand même vachement agréable, même quand t'es pas sur la même longueur d'onde que lui. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Patrick. Ensuite, un petit podcast, je l'écoute seulement en post-prod, c'est Lifetile, voilà. Mais tu vas pas faire ton auto-promotion ici quand même. Je sais pas si t'en as passé déjà un extrait de Lifetile. Je crois pas. Hein. Il mérite ? Il mérite pas, d'accord, tant pis. Un autre podcast qui parle de tech. Oui, vas-y, je te laisse parler mais de tech. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Lifetile, le podcast qui à la base parlait du monde de Windows Phone, quand même. Alors attends, moi je vais te le faire. Allez, vas-y. Comment tu parlerais de Lifetile ? Lifetile, c'est un podcast qui parle de tech, mais axé surtout sur Windows Phone. Et Windows en général, quand même, maintenant. Après, c'est un petit peu comme dans tous les podcasts tech. Tu as les news. Oui. Un dossier. Un dossier. Avant ou après les news, en fait. Ça dépend. Et puis quoi, un invité. Voilà, dépend en fait de ce qu'on a. Et puis à la fin. A quand même. Et présenté comme ça, ça donne envie quand même. Hein. Franchement, tu donnes envie aux gens d'aller se pendre. C'est pas sympa, je l'ai je pas peux bien essayer vendu. De faire une petite présentation. Allez, vas-y. On discute de l'actu entre nous et chaque news en fait va nous permettre de débattre un petit peu dessus. Alors parfois ça nous fait faire des épisodes un petit peu à rallonge, mais on va tous finalement en donner notre point de vue, échanger, râler beaucoup finalement. On aime bien les produits finis, on râle pas mal après Microsoft, on nous reproche ça alors qu'on adore ces produits-là. Alors une fois qu'on a traité les news, on a Florian qui nous propose des sondages. Et donc nos poditeurs peuvent aller voter au sondage de Florian. Voilà, donc sur le site de Lifetile. Ensuite, on a une partie où on va présenter une application. Donc une application qu'on a testée dans l'équipe. Alors soit parce qu'elle a une fonctionnalité qui nous plaisait vachement et c'est un flop, ou juste parce que c'est une application qui est géniale, ou une application qui nous fait passer du temps très agréablement. Style un petit jeu, voilà. D'accord. Et alors après, si tu veux, dans l'équipe, on est 6, ce qui permet d'avoir des regards vraiment très différents. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir justement avoir certains qui vont être à fond dans la techno, qui vont tout connaître sur le bout des doigts, d'autres qui vont être plus sur une utilisation. Et je pense que les poditeurs vont finalement pouvoir plus s'identifier à un ou l'autre des podcasteurs et rentrer dans l'émission grâce à ça. Ah ouais. Peut-être. Ouais, c'est pas con. Donc voilà. Et du coup, vous êtes le seul podcast francophone tech que j'écoute. Ah oui. Oui, je t'avais déjà dit ça. Oui, oui, oui. Par choix. C'est gentil. Je suis fière quand même, Karine. Eh ben écoute, tu les écoutes nous et pas les autres. Non, pas les autres. Non, pas les autres parce que j'ai un peu honte, mais j'ai la Windows Phone. Mais t'as pas à avoir honte, c'est très bien les Windows Phone. Donc du coup, voilà, je vous écoute, vous. Mais alors, il y a problème d'application quand même pour écouter les podcasts. Alors, sur, on a David Catu, c'est un de nos habitués de Lifetile, qui est développeur, qui travaille sur le nouveau navigateur de chez Microsoft, mais qui est aussi un gros consommateur de podcasts et qui en a eu marre de ne pas trouver d'application qui répondait à ses besoins. Et finalement... il a créé l'application qui s'appelle Cast, donc tu la vois ici à l'écran, c'est le petit chat en gros, c'est pour ça quand tu parlais de petit chat, je pensais à lui. D'accord ? Alors, c'est une application qui est assez géniale parce que tu peux l'avoir sur ton PC en Windows 10, tu peux l'avoir sur ton téléphone en Windows 10, et tu sais ce qu'elle fait ? Quand tu écoutes un podcast, par exemple, t'es sur ton PC ou t'es chez toi, dans un endroit où t'es calme, il n'y a pas les enfants qui t'embêtent, ton mari t'embête pas non plus, t'écoutes sur ton PC, hop, au casque. Tu arrêtes la lecture, tu reprends ton téléphone, tu vas dans ton atelier, tu rebranches ton téléphone et l'application est capable de repartir directement de là où tu t'étais arrêté. D'accord. Elle va tout synchroniser via le cloud et donc t'as tout, tu rentres tout sur ton PC, c'est beaucoup plus facile à manager. T'as tout sur ton téléphone et tu reprends la lecture là où tu t'es arrêté sur le dernier appareil. Bon, alors. Et ça, je trouve ça juste génial. Et ensuite, elle est vachement sympa. Elle est assez flat design, mais elle est colorée, bon. Mais voilà, elle est relativement simple. Enfin, elle est simple. Tu vas pouvoir manager ta bibliothèque exactement comme tu veux. Si tu veux te faire des playlists, tu te fais des playlists. Après, tu sauvegardes tous tes paramètres facilement, tu fais de la recherche de podcast. Il récupère beaucoup de flux de diffusion de podcast. Donc, pour faire des recherches, c'est vachement pratique. Et bien sûr, tu gères l'OPML avec ça. Donc, si tu veux importer toute une liste de podcasts, t'es pas obligé de te casser le PML. L'OPML. Tu connais pas ? Non. L'OPML, c'est un format de fichier en fait qui permet de sauvegarder et de réimporter des listes de podcasts. Ah. En fait, c'est un fichier texte, globalement, je vais te faire tout bête, hein, avec le nom, l'adresse du flux RSS et puis un commentaire à la rigueur. Ça s'appelle un fichier OPML. OPML, ah oui, d'accord, ok. Voilà, tout bêtement. Non, d'accord, ok. Voilà. Et donc, l'application prend ça en charge. Et là, il a rajouté récemment un timer pour ceux qui s'endorment avec leur podcast. Ou si tu te dis, tiens, je veux 35 minutes de podcast, tu mets 35 minutes, ça coupe après. Tu t'endors avec moi, non, non, les non. podcasts ? Non, non, non, non. Mais on avait Alexandre qui a commencé Lifestyle, qui écoutait du podcast le soir. Il avait même acheté, il me semble, les haut-parleurs que tu mets sous l'oreiller. Ah, génial ! Voilà. Donc là, tu peux gérer ton truc comme ça. Mais ça m'arrive. Ouais, d'écouter des podcasts le soir comme ça en m'endormant. Mais je m'endors direct, quoi, en général. C'est hyper rapide. Ça dépend ce que tu écoutes. Quelque chose de très narratif, oui. Ça peut t'endormir parce que c'est pas intéressant, mais bon, là, auquel cas, je suis désolée. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de mieux quand t'es gamin que d'écouter quelqu'un te raconter une histoire et t'endormir en écoutant cette personne. Donc finalement, je pense que quand t'écoutes certains podcasts pour t'endormir, ça doit être un petit peu comme si tu retrouvais un peu cette relation-là où... Ouais, tu te laisses bercer, quoi. Tu te laisses bercer, tu te laisses aller dans quelque chose de très agréable à écouter et... Alors, on n'a plus forcément les mêmes attentes qu'une histoire pour les enfants. Mais ouais, moi, ça me... On pourrait penser que c'est péjoratif, mais non, je pense pas, en fait. Mais moi, je trouve ça flatteur, en fait, pour celui qui le fait. Ouais. Mais tu retrouves... Ouais. Moi, je t'avoue, perso, je peux pas. À la rigueur, ouais. M'endormir avec de la musique. Si j'écoute, je vais écouter, je vais être attentif et je vais pas m'endormir. Comme m'endormir devant la télé, devant un film, c'est pas possible. Soit le film m'emmerde, j'éteins, je vais me coucher. Je ne sais pas dormir devant la télé. C'est vrai ? Ben, j'en connais à la maison qui adore ça, mais. J'adore ça. Moi non. Surtout quand ça m'intéresse, je vois. Enfin non, je veux profiter jusqu'au dernier moment. Ah, mais si! Ouais, mais enfin, bon, non, c'est comme ça. Même si tu luttes en te disant « Ah, c'est génial, faut que je regarde et tout », mais c'est plus fort que toi, tu t'endors ce moment où t'es en train de fermer les yeux, puis tu dis « Non, non, je vais regarder », mais tu les fermes, tu les rouvres, et puis tu luttes, et puis non, t'as trop envie de dormir, là. Ah putain, ce sommeil, il est tellement réparateur, il est tellement bon. Je connais pas ça. Je connais pas. Et puis t'as l'impression que tu l'entends encore en fait, l'histoire ou le film, je sais pas. C'est... Peut-être. Bah, je peux pas te dire. Après, il y a d'autres façons de s'endormir, mais on va pas s'attarder là. Ouais. Oui. Comment je dirais. Qu'est-ce qu'on disait ? De quoi on parlait, en fait ? Bah écoute, on avait fini de parler de l'application Cast, donc qui est dispo que sur Windows 10. Voilà. Et puis, on a dérivé ensuite avec nos utilisations des podcasts. Et c'est quand je t'ai dit qu'il y avait une fonction de timer, tu pouvais l'utiliser pour t'endormir. C'est là où ça t'a fait tilt. Ah oui. Oui, d'accord. En fait, tu sais quoi ? Je me suis habituée. Je me suis adaptée. Après, l'application musique, elle est pas mal sur Windows Phone. Alors, toi, tu lis la musique en local ou tu la stream à partir du Xbox Music Pass ? Vous pouvez répéter la question. Pardon, j'ai dit des gros mots. Est-ce que tu mets ta musique dans ton téléphone sur ta carte ? Non, mais répète pas, j'ai rien compris. Je vais te dire, ça sera plus simple. Je rentre pas de musique sur mon téléphone parce que en plus des podcasts, si je commence à ranger, non, c'est pas possible, ouais. Y a pas de place. En fait, j'utilise Mix Radio. Ah, Mix Radio. Ah ouais. Ah oui, c'est pas l'application musique de base. Xbox Music ou musique, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, donc c'est ça, le petit casque. Hein. J'ai le raccourci direct et ouais, voilà. Ouais, c'est ça, le petit casque, ouais. Donc là, je retrouve mes podcasts si je les ai téléchargés. Et sinon... Oui. Les musiques que j'aurais chargées là. Et puis, j'utilise Mix Radio, en fait. Donc, ouais, j'ai ma musique dans Mix Radio. Donc, je vois même pas pourquoi j'irais m'embêter à chercher autre chose ailleurs ou quoi. J'entre ce que j'ai envie là-dedans et c'est bon, quoi. Ouais. Ben oui, parce que ça te fait à partir de ce que tu aimes. Et quand j'ai fini mes écoutes de podcast, ce qui est techniquement impossible, hein, vu la liste que j'ai, mais bon, il y a un moment, j'en laisse, hein, parce que j'ai juste envie d'écouter de la musique. D'accord. Et je trouve ça génial, en fait, parce que tu peux créer ton mix, comme ils disent. Mais en fait, il suffit de rentrer plusieurs artistes que t'aimes bien. Et à partir de ça, ils te proposent des musiques qui sont un petit peu en relation avec ce genre, en fait. Donc, susceptibles de te plaire, quoi. C'est un petit peu dans les mêmes tendances, dans les mêmes sonorités, quoi. Et moi, je trouve ça génial. Et en plus, plus tu l'utilises, plus ça s'affine. Parce que selon les musiques qu'ils te proposent, tu peux marquer « j'aime » ou « j'aime pas » et tu la dégages en appuyant juste sur « j'aime pas ». Et du coup, en fait... il te la reproposera pas, mais ce qui est vraiment très très proche, il te la reproposera pas non plus. Est-ce que tu as bien aimé, il va te reproposer quelque chose qui est presque similaire. Donc t'arrives après à quelque chose d'assez peaufiné qui correspond vraiment à ton style. Donc plus tu l'utilises, plus elle te plaît, quoi. Alors après, faut l'utiliser pendant plusieurs heures pour que ça fonctionne. Et puis voilà, oui, faut répondre. Et puis surtout répondre à chaque fois. Ouais, ça va vite. Et voilà. Et moi, j'aime bien. Parce que tu vois, quand j'ai envie d'écouter de la musique, s'il faut que je commence à aller chercher quelque chose que j'ai mis de côté ou quoi, si j'ai déjà plein de choses en route, je suis en train de travailler, j'appuie sur un bouton, quoi. Tout à fait. C'est souvent quand j'ai juste 10 minutes, un quart d'heure, je prends juste ça, quoi. Comme j'allumerais la radio dans la voiture. Voilà, et plus tu t'en sers, et meilleur c'est. C'est vraiment une application que j'aime bien. Tu sais qu'elle a failli disparaître en plus. Ah ouais, bon bah si tout le monde trouve ça pourri, bah tant pis. Ah non, celle-là elle est pas trouvée pourrie. C'est Xbox Music, que les gens généralement aiment pas trop. Au début de Windows Phone 8, elle était assez mauvaise pour ceux qui utilisaient le pass, parce que tu peux avoir ta musique en ligne, et t'avais pas mal de problèmes dans ces cas-là. Moi qui utilise que la musique en local, j'ai 64 gigas de stockage sur le téléphone, donc si tu veux, j'ai de la place. Donc moi, j'ai ma musique en zone locale. Ouais, j'aime bien avoir de la place pour faire mes photos et ma musique. Et puis voilà, donc ce que je te disais, et je mets ma musique en local et je l'écoute comme ça. Mmh. Ou sinon, après, j'ai l'application du NAS sur lequel je vais piocher. Et là, comme ça, je peux être à la maison, en dehors... Bon, après, j'ai un débit de merde à la maison, donc je vais pas pouvoir me servir du NAS trop à l'extérieur, mais... Voilà. Le NAS, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est bien, c'est bon. Non, un NAS, c'est un disque dur réseau, en quelque sorte. Ok. La réponse est courte, alors ça va. Voilà. Je me suis dit, ouais, vu, si je pose la question, ça va prendre trois plombes, laisse tomber, c'est bon. Tu fais plein de trucs. Ok, ça va, c'est bien. Bonne réponse, j'ai assez de détails. Je te fais confiance. Je suis pas précis, mais... Non, mais c'est bon. Le sois pas avec moi, de toute façon. Ça me va. Détrompe-toi. Ah ouais ? Ah oui. Je suis pas sûre que j'en servirai. Bon, bon, allez, vas-y, explique-moi, ça te fait plaisir. Ah non, non, non. Non, mais c'est un petit, non, c'est un appareil. Imagine, en fait, c'est un mini ordinateur avec l'intérêt, ça va être de stocker de l'information, généralement du multimédia. Mm-hmm. Si t'es une geek poussée, tu peux aussi gérer ton site web, tes bases de données, tout directement sur ton NAS. Tu peux aussi sauvegarder tout ton travail de manière plus ou moins automatique sur ton NAS. Ça te remplace un cloud. Tu peux créer un cloud privé sur ton NAS. Donc, si t'as une bonne connexion Internet, tu peux, au lieu d'aller chez Microsoft, chez Google, chez Apple, sauvegarder tes trucs, tu peux le faire chez toi. Mm-hmm. Et si t'as un copain qui a un gros NAS aussi ailleurs, tu peux sauvegarder une partie de ce que t'as chez toi chez lui et lui chez toi. Comme ça, si jamais tu te fais piquer ton NAS, t'as perdu toutes tes sauvegardes. Mais si ton copain il a une partie de tes sauvegardes, tu peux les récupérer. Mm-hmm. Et bref, et au niveau local, le truc qui est vachement sympa, c'est que moi, je gère tout ce qui est vidéo et musique avec ça. Que ce soit sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur la télé. En fait, par le lecteur Blu-ray est DLNA, tu sais, c'est les lecteurs réseau audio-vidéo. C'est les normes numériques pour lire des données. Et ben, en fait, je lis tout directement dématérialisé comme ça. Ça évite... Bon, tu viendras à la maison et puis je t'expliquerai. Non, mais là, c'est vrai que ça me paraît très abstrait, ce que tu es en train de me raconter, mais ça a l'air bien. Hein. Quelques fils, pof, pof, et ça marche. Ok. Bon, ok, d'accord. Ouais, je t'enverrai des photos, tiens. Tu verras, c'est très petit et pratique. Ah oui, ah oui, c'est vrai, on parlait de... Ok, bon, allez, je me tais, j'arrête de parler de tech. Café. Non, si, si. Tech Café. Oui. Tu connais peut-être Guillaume Vendée? Non. Ouais, mais si, mais dans autre chose, non? Oui, il fait d'autres choses, ouais. Moi, je l'écoute surtout dans le Tech Café. Et voilà, donc il parle de la tech au quotidien, les différents usages, les infos qui sortent. Donc, une vision complémentaire de ce que fait Patrick Béja. Et puis, alors, je vais te parler d'un dernier petit podcast qui s'appelle DevApps. Alors, c'est un podcast sur les technos de développement Microsoft, donc je vais pas m'attarder dessus. Parce que sinon, je sens que tu vas vouloir me taper dessus. Non, mais il y a peut-être des gens qui... que ça intéresserait. Donc, ben voilà, vas-y. Donc, ben, c'est un podcast sur l'actu et le développement et les architectures en technologie, en ce qu'on appelle le .NET, par exemple. Mm-hmm. Donc, les langages de programmation. Quoi. D'accord. Bon, enfin, bref, voilà quoi. Moi, j'ai plus d'eau dans mon verre, donc ça veut dire que... Quand on touche au bout. C'est ça, oui, c'est ça. On va s'arrêter là, je pense. Oui, je pense qu'une heure du matin, il va être urgent de conclure. Non, mais on a parlé de podcasts très intéressants. Ben, très variés. Finalement, c'est peu de tech. Moi, ouais. J'ai réussi à t'y ramener un petit peu sur la fin. Ouais. Mais pas de soucis, c'est bon. On se dit à dans 6 mois pour savoir si t'as pas de fissure dans ta maison ou autre chose comme ça. Bah écoute, ça va, le constructeur est assez cool, il y a eu des petits défauts, c'est déjà réparé, donc... Non mais après, on sait jamais, hein, des fois que t'as des vis cachées... Écoute, tu vas éviter de me porter la poisse. Oui. Oh non, je porte pas la poisse, moi. Puis il y a la garantie décennale après, donc... Ouais, c'est vrai. Normalement, on est censé être blindé là-dessus. Alors, en théorie... non, je déconne. En théorie, oui. En pratique, non. Ben oui, mais je veux pas. La théorie me suffit. Mais tu sais que si l'entreprise est faillite, ta décennale, tu... Non, non. Parce qu'ils font partie d'un organisme national... Ouais. Ils font partie d'un organisme national qui prend en charge en cas de faillite du groupe. Ah non, c'est eux qui nous l'ont dit. Ah ben c'est bien ça, au moins c'est rassurant. Bon bref, voilà. Je te laisse. Ok. Tu coupes comme ça. Merci. Tu dis pas au revoir à tes poditeurs. Est-ce qu'ils méritent? Mais bien sûr. T'imagines, ils nous ont écouté palabrer tout ce temps. Je pense quand même qu'ils méritent. Non, non, mais... Allez, on conclut là. Merci d'être venu, Irslo. Merci. Tu sais, tu peux m'appeler Guillaume. Oui, je t'appelle jamais comme ça en fait, je t'appelle toujours Hirslo. C'est vrai, tu tapes Hirslo d'habitude sur ton clavier et je le sens bien. C'est un trait d'humour, taper Twitter. Oui, pardon, mais j'avais compris. Pardon, je te voyais pas réagir, j'étais là, oups, j'ai dit une bêtise. Non. Non, donc on a failli conclure là, tu le sais. Je sais qu'on a failli conclure et puis voilà, hop. On a dérapé, oui, chef. On a glissé, chef. On a glissé. Oui, je vous vis. Guillaume, on va se quitter là, puisque je peux t'appeler Guillaume. Tu as le droit, tu as le droit. Je te remercie d'être venu partager ton expérience de poditeur avec nous. Oui, mais merci Karine de m'avoir invité et de m'avoir supporté tout ce temps-là. Oh, ça va, non, c'est un plaisir. J'ai pas de mal à te supporter parce que sinon je t'aurais pas demandé de venir et puis je suis très très contente d'avoir fait ta connaissance un petit peu plus. On avait eu quelques petites discussions, quelques échanges, donc ouais, c'est cool. C'est vrai. Et puis quoi? Tu veux rajouter quelque chose toi peut-être? Non, mais que j'ai été également très content de te rencontrer et puis de pouvoir échanger avec toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de reparler d'autres choses une prochaine fois. Avec plaisir, ouais, pourquoi pas. Soit pour un TAT, soit pour autre chose. Et tu sais, si t'as une idée, moi je suis toujours partante. Hein. Oui, mais je cherche des idées, j'ai envie de faire autre chose en plus. Ah ouais? Et je cherche des trucs, ouais. Alors tu as du temps pour ça? Non, mais j'ai envie d'en trouver. Ah. Le temps, ça se trouve. Jusqu'à un certain point. Au détriment d'autres choses. Voilà, après, tu es obligé de faire des sacrifices, c'est ça. Et ça dépend toujours de ce qu'on sacrifie. À voir, à voir. Mais non, on peut penser sur des petits formats courts, des petits trucs. J'ai envie de faire autre chose, mais j'ai pas encore décidé quoi, ni comment, donc... Même pas une petite idée, une ébauche. J'ai des débuts d'idées, mais c'est que des débuts d'idées. Il faut que ce soit un peu plus structuré quand même. Je dis pas que, pas forcément, je sais pas. Ça, c'est à voir. Hein. Voilà. Donc, merci d'être venu faire partager un petit peu ce que t'écoutais. Ça a peut-être donné des pistes à certains. Je suis très contente d'avoir eu quelqu'un pour parler enfin avec moi d'Agito parce que j'avais envie de le faire depuis longtemps et j'ai pas toujours eu les personnes pour échanger là-dessus. Voilà, on se dit à la prochaine fois. Bah écoute, merci. Si vous voulez nous retrouver, c'est sur Twitter à Hirslo, hein, à Hirslo, IR. Et c'est l'eau pour toi, et moi c'est Kikrine, K-I-K-R-I-N-E, voilà. À la prochaine fois, ciao. Écoute, merci Karine, et puis merci à tous les poditeurs. Bonne soirée, au revoir. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ça n'a pas marché. Quel enregistrement est foireux. Ah, ça n'a pas marché. Alors, Oui, Karine. Moi, ça me fait bizarre dans ton entraînement. Est-ce que tu veux discuter un petit peu ou est-ce que tu veux te montrer directement? Bah écoute, c'est comme tu veux. Ma foi, on a commencé à discuter, je trouve ça fort agréable. Parce que tu fais comment en fait, avec tes invités? Parce que tu fais, en post-prod, tu fais ton intro? Ouais, parce que j'ai abandonné l'idée de le faire en même temps. C'est pas possible, ça marche pas. Ça. Et du coup, après, bah, la conversation, elle est vraie. Quand je démarre du sujet, voilà, je suis en fait prêt. D'accord. Donc ça dépend de qui tu es. D'accord. Voilà. Bon, tu le sens comment ce soir alors? Ça va. Bon. Ça va. Oui, c'est un petit peu bizarre, la façon de se connaître, mais par truc interposé. Tout à fait, tout à fait. Ouais, et ça fait bizarre de se parler en fait. Ah, pas ouais. De sens. Voilà. Non, c'est vrai. Non, mais c'est sympa ça. Ouais, c'est bizarre. Ce que tu fais, tu vas à Podren et tu fermes les yeux. Et puis tu te dis, mais c'est quoi toutes ces voix que je connais? Attends, mais c'est pas les visages que j'avais imaginés. Et ça, c'est assez génial. Ah, tu te prends 30 secondes, tu fermes les yeux, là, tu fermes les yeux. Et puis, ah ouais, je connais, ah oui, oh, c'est lui, oh, c'est elle. Et ouais, puis, je pense aussi que tu vois les personnes déjà hors contexte, et qui en plus, pas forcément dans le domaine dont tu as l'habitude de les entendre parler, quoi. En plus, mais moi ça me fait toujours l'effet, c'est pas une star, mais voilà, ah ouais, c'est ma chaîne de tel podcast. Et voilà, c'est tout con, hein, c'est très enfantin, mais bon. J'ai eu quelques surprises, quelques fois où ça allait à peu près avec ce que je m'étais imaginé. Après, si tu veux mettre la vidéo sur Skype, j'aime pas non plus. La vidéo si tu veux, mais j'ai une vieille webcam qui date des Rhodes, j'ai même pas si elle est branchée. Ouais, bon, bah voilà, mais c'est bien. Si, non, mais je peux pas la tirer, donc c'est qu'elle est branchée. Hop. Par contre, moi j'ai du débit pourri. Non, mais là je te le confirme. Tu l'as branchée là? Ouais. Ah, ça doit être mieux là comme ça. Ah, t'as joli contre-jour. Ah, ouais, je crois bien. Ah, c'est vraiment. Ah, voilà. Donc enchanté. Ah, n'est-ce pas? On est plus en contre-jour, je sais plus. Ah, mais voilà, maintenant les signes ça va servir à quelque chose. Ouais, voilà, tu vas pouvoir. Donc voilà, alors je pense ça. Je vais essayer de filmer ma tête comme ça. Pas tout à fait. Mais ça, tu m'étonnes pas non plus, mais je. Et puis attends, ouais, j'avais pas prévu non plus de brancher ma webcam et tout, hein. Enfin, sinon je me serais. Ah ouais, pour du podcast. Ah ouais, non, c'est important. Non, mais ça va, les odeurs ne passent pas pour l'instant. Enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, j'écoutais Lifetime sans forcément reconnaître qui était qui, et puis toutes les personnes. Chaque fois, il y a des. Enfin, j'avais l'impression à chaque fois qu'il y avait d'autres personnes. Et au bout d'un moment, on s'habitue aux voix et on arrive à mettre des noms sur les voix. C'est pas évident. Hein. Vraiment, faut... Non, bah, on est nombreux. On tourne. Bah, si tu regardes les épisodes, souvent on est 5 ou 6, mais le plus souvent, c'est 6 quand même. Généralement, c'est un jeudi sur deux. Comme ça, ah, c'est réglé. Quand même, quoi. Mais j'aime bien en fait, tu vois, c'est ma petite dose de ah putain, on ne parle pas d'Apple. Voilà. Non, si on commence à parler d'Apple, c'est vraiment la mort, on peut mettre la clé sous la porte. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Et vous n'êtes pas nombreux. Windows Phone, a priori, en francophone, on est les seuls. C'était tout au début, je venais de recevoir mon téléphone et il y avait un dossier spécial comment économiser de la batterie. Alors là. C'est vieux, je ne me rappelle pas ça. Ah ouais? Et du coup, là, j'ai gardé l'épisode d'écouté, supprimé mon téléphone, et puis j'ai mis pause sur l'épisode à chaque fois que j'avais une info. Tac, j'allais le faire dans mon téléphone, hop, j'ai fait tout l'épisode dans ta chambre, c'est bien, ça fait bonne idée. Donc, j'ai tout mis comme il fallait. D'accord. Et t'es pas trop perdu dans les épisodes actuellement? Quand on parle de tech, parce que des fois. La première fois, t'es perdu complet. La deuxième fois, tu fais, attends, je connais ce mot. Ah ouais, ça veut dire ça. Tu t'habitues au vocabulaire. En fait, le plus dur, c'est de t'habituer au vocabulaire. Oui, des fois, juste d'avoir passé un bon moment, ça suffit aussi. Voilà. Moi, j'aime bien là, celui qui travaille dans un magasin de téléphone. Il y en a un qui fait ça, non? Alors, on en avait deux qui travaillaient et il n'y en a plus aucun. Par contre, j'ai retenu qui était Cassim. Dark Cassim. Voilà. J'ai un... Tu l'as entendu au ralenti. Allez, vas-y. Comment tu parlerais de Lifetime? C'est un truc avec des petits carrés dans l'image. Non, c'est con. Avant, il y avait de la couleur et puis maintenant, c'est plus bleu. Quoi? Oui. Quoi? T'as pas remarqué le nombre d'or? Non. Dans les petits carrés? Non. Non. Je vais pas regarder. Désolé, mais je ferai attention la prochaine fois que je regarderai. Il y a ça? Non, je sais rien. Je regarde. Ah, on parlera de ça après, hein, l'application podcast sur Windows Phone, c'est très intéressant, hein. Oui, ben oui, je voulais t'en parler, du petit chat, justement. Et du petit chat? Et du petit chat, ben oui, l'application podcast. Ça, je sais toujours pas pourquoi j'ai mis un petit chat. Mais c'est peut-être ce à quoi je pense, si t'as écouté Lifetime dernièrement, on en a parlé. Au numéro 75, je pense. Bref. Alors, oui, donc, attends. Là, dans ton truc bleu, il y a un nombre d'or. Oui, chaque petit carré blanc est multiplié par le nombre d'or pour avoir le suivant. Le podcast d'un télo, je te jure. Ouais, non, j'ai essayé de faire un truc qui soit. Je suis absolument pas artistiquement visuel et j'ai essayé de faire un truc au moins cohérent. Bah, j'y ai pas pensé. J'ai pas réfléchi. c'est... Oui, non, mais franchement. Ouais, j'ai pas pensé du tout. Tu vas jamais me croire. Je téléphone avec mon téléphone. Tu crois un peu ? Non. Si, je te jure. Mais souvent ? Oui, je téléphone. De manière exceptionnelle. Bah, assez régulièrement. Ah ouais, ouais, téléphone. C'est toi alors qui utilise le smartphone comme un téléphone. Ouais, je te jure. Je me présente. Karine, en merdeuse. Bienvenue.